nid de cloporte. Une clique de croque-mort ou une pluie de météores. Toi, tu me dis qu'importe, que le diable les emporte. Mais moi, je veux savoir, je veux traverser le miroir. Un petit tour dans l'autre monde, découvrir le secret des ondes. Un petit saut dans l'au-delà, on presse la détente. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Des fleurs, des rivières et des pommes. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte? Des fleurs, des lumières et des hommes. Toi, tu me dis qu'importe, que le diable les emporte. Moi, je veux savoir comment traverser le miroir. Un petit tour dans l'autre monde, découvrir le secret des ombres. Un petit saut dans l'au-delà, on presse la détente. Hop là, allez. Le labyrinthe du Minotaure, où l'écho des chants de mal dehors. Un vaisseau de chasse qui sent dans l'espace comme un poisson noir. Un vaisseau de chasse qui sent dans l'espace comme un poisson noir. Un vaisseau de chasse qui sent dans l'espace comme un poisson noir. Un vaisseau de chasse qui sent dans l'espace comme un poisson noir. Un petit tour dans l'autre monde, découvrir le secret des ondes. Un petit tour dans l'au-delà, on presse la détente. Hop là. Un petit saut dans l'autre monde, découvrir le secret des ondes. Pour un petit périple astral, j'enfile ma combinaison spatiale. Bonsoir, merci.